Monique, je fais partie de l'association Les Paniers Marseillais, qui a pour objet de mettre en lien des consommateurs et des producteurs en bio. Donc chaque semaine, un maraîcher vient porter sa récolte du jour à son groupe d'adhérents sur le principe de base des AMAP. Et on est, tous les adhérents sont marseillais, ce qui nous permet de faire des achats groupés pour tous les produits autres que maraîchage, ce qui fait que nous avons pratiquement tous les produits de bouche, toujours directement producteur-consommateur, toujours en bio certifié. Depuis plusieurs années, nous nous adressons en priorité, mais pas exclusivement, à des gens en précarité, et nous démontrons par là que le bio est accessible à tout le monde. Nous sortons une étude d'ailleurs qui vient de le démontrer, chiffre à la clé, que le bio est moins cher que tout autre, que la bio par ce système de distribution est moins cher que même les légumes achetés en conventionnel à grande surface. Alors j'ai une seconde. Donc ce qu'on attend évidemment de vous tous, c'est d'avoir de plus en plus d'adhérents parce que c'est un soutien à la petite agriculture paysanne et donc à la relocalisation de l'agriculture. C'est pour ça qu'on s'inscrit dans la transition.